Acclaudio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical en ce 29 juillet, en plein été. Et voilà, pour moi, ce sera la dernière émission de juillet parce qu'après ça, au mois d'août, je vais être en vacances. Ce que j'ai pour vous ce soir, une belle proposition de rock progressif tout récent, allant dans les quelques dernières années. On va débuter quand même avec une nouveauté de Tangent. J'en ai fait jouer un premier extrait la semaine dernière, puisque l'album était paru vendredi dernier. C'est leur nouvel album de Tangent. Vous savez que la musique de notre thème musical est de Tangent, du premier disque de Music That Died Alone, sur lequel il y avait Ryan Stoltz comme guitariste. Il y avait également Dave Jackson de Van der Graaf au saxophone. Maintenant, sur ce nouvel album qui s'intitule The Slow Rust of Forgotten Machinery, or Where Do We Draw the Line Now? Ça, c'est le titre de l'album. C'est leur 9e album là, donc depuis 2003 pour The Tangent, qui est dirigé par Andy Tillison, qui est toujours là évidemment. C'est lui qui fait les compositions, le vocal. Et il y a également Theo Travis au saxophone, Jonas Ringgold à la basse et Luke Makin aux guitares et à la réalisation. Également Marie-Ève de Gauthier qui fait des pianos et des voix. Et la pièce que je vous propose ce soir, c'est une pièce qui s'intitule « Few Steps Down the Wrong Way ». C'est une pièce politique, en fait, à saveur politique, puisque il l'a écrite suite à la décision du Royaume-Uni de se séparer de la zone euro. Et c'est évidemment... Il a été beaucoup touché par ça puisqu'il est d'origine britannique du Royaume-Uni. Donc, on y va avec The Tangent et cette excellente pièce Few Steps Down the Wrong Road. Et on enchaînera ça avec la nouveauté du groupe américain Discipline et leur plus récent album Captives of the Wine Dark Sea et la pièce The Body Yearns. Mais tout d'abord, The Tangent. Although life continued for the country, its people would sometimes wistfully look back on the time when their forefathers controlled and developed large parts of the world. future. Can't share the fruits, but just bit out the seeds. Give us standing, let's see the other countries bow to us on reverential knee. We are the leaders, where we go you will follow. Never tie our hearts, we are the living free. We stand alone. We are the living free. For generations, though, successive governments and administrations continued with traditions, pomp and ceremony, while the working people of the country were ignored and left to suffer. Treaties and restrictions that were imposed on the country by its neighbors became frustrating to the people, and they became restless to be the controllers again, rather than the controlled. Give us that power. Give us greed. Give us power. It's what we need. Give us money. Give us power. Give us greed. Stand alone through the madness of the world. We stand press rang out outsiders appeared in major world powers, advocating populist ideas of the common people being masters of their own destiny. Why should we not fight a flag? Why should we not be who we are? The country responded likewise, and there rose from the rank and file a man who offered the people freedom from those rules and restrictions, who could deliver the tremendous potential of the country back into the hands of its people. On the people who he said were bleeding the country dry. Give us freedom, give us control on our borders, give us safety from invaders and from fear. And give us leaders who can harbor those emotions, give us national pride and they will all disappear. Eject the mudbloods who don't have the right background, and rank people on a score of 1 to 10. Give us cheap labor to make our city's future and make our nation great again. People who were bleeding the country dry were, as so many people observed before, were people who had migrated to that country. Well, the hard-working and forgotten population of the country looked at what he said, and many agreed. Rather than looking at the way they had been overlooked and conned by the political elite, they now had somebody they could reach that they could blame. On the corners of the streets, on the train in the morning, the easily accessible targets were quickly turned into priority number one. So when the country was invited as a whole to make a huge political decision about their future, any way they could vote to rid themselves of these migrants seemed to be the very best way to progress and regain the empire that they had lost. And it's ours, we don't want to share it. It's ours, we're taking it back. It's ours, and you just gotta wear it. It's time to start following those well-lit tracks back home. And it's ours, we don't want to share it. It's time to start following those well-lit tracks back home. consequences, not worrying about people, money, or the future. They signed the fucking deal. Treaties. Hate attacks began on those people not considered to be true residents. Large groups of semi-uniformed thugs gloated in their victory, and those people from other parts of Europe were heckled, hectored, and harassed. The word traitors was used to describe those who had voted against a decision made. The country was, putting it mildly, a few steps down the wrong road. Observer would have realized that these guys haven't even made a plan. For example, it's very easy to promise that you will rid the country of a migrant problem. Somewhat more difficult to actually deliver it. The new leader looked over the top of his reading glasses around the table of his new government. "I think this one is seriously important," he said at length, "and as such I would like you to handle it." He looked over at Heinrich Himmler. "Jawohl, mein Führer. Leave it with me." "Well, where did you think I was talking about?" "The body and the brain, the self, the soul, the fictional belief, the void, the whole." It was making me crazy inside. Striven to be selves acquired unconsciously. Repetition, this our mission. The body yearns, the body learns. Just keep on trying. Closing down in the dark. Open up, dream and spark. Catalog memory. Fantasize. Number set, dim connections make perfections. The body learns, the body learns. Just keep on trying. Now in flowers, the few that we see seem to come by it naturally. Fragmentation, replication. Thank you. 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? C'est KRL 89.1. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Pour sa 22e édition, le Festival des Journées d'Afrique de Québec dans ses rythmes du monde fait vibrer le centre-ville de Québec. Des artistes de toute origine se donnent rendez-vous du 27 au 30 juillet pour célébrer le chant, le rythme et vous donner la cadence. Le Festival des Journées d'Afrique de Québec vous est présenté avec le soutien de la Ville de Québec, le gouvernement du Québec, Patrimoine Canada et CKRL 89.1. Tous les détails sur festivaljournéesdafrique.com. Et de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. On avait juste avant la pause la musique de Discipline, le groupe américain. Captives of the One Dark Sea, leur plus récent album. On avait la pièce de Body Yearns. C'est leur 5e album. Et il est peut-être moins bon quand même que les deux plus précédents. Mais il y a d'excellentes pièces, dont celle-là. Et plusieurs autres. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a deux pièces instrumentales. Une que j'ai fait jouer. On en fera jouer certainement à l'émission. Et juste avant, ben, pour débuter l'émission, il y avait The Tangent, la nouveauté, The Slow Rust of Forgotten Machinery. Et c'était la pièce A Few Steps Down the Wrong Way Road. Voilà. Cette pièce, d'ailleurs, il y a une vidéo. Michel avait publié cette vidéo-là sur la page Facebook de l'émission Terra Incognita. Donc, vous pouvez voir ça en vidéo, cette version-là. En fait, Andy Tillison avait une crise cardiaque en 2015. Et au retour de ça, il avait fait cette pièce. Puis finalement, ça a débloqué sur ce nouvel album. Ça vient tout juste de sortir la semaine dernière. Alors, on poursuit en musique avec Nexus. C'est un groupe de l'Argentine et c'est leur nouvel album qui porte le nom En el comienzo del Topos Uranos. Et on ira la pièce El color que cayó del cielo. Cielo. Et on poursuivra avec Steve Hackett. Son nouvel album aussi paru cette année, The Night Siren. Et c'est une pièce qui l'a été inspirée par quand il était en spectacle en Islande. Il était très proche du pôle Nord, donc il y avait les aurores boréales. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la pochette de ce nouveau disque de Steve Hackett. Et ça l'a inspiré pour la pièce 50 Miles from the North Pole. On écoutera donc ça. Et également le groupe turc Nimrud. Nimrud et leur album éponyme qui vient de sortir en 2016 et la pièce Gods of the Mountain. Mais allons-y tout de suite avec Nexus.

naturel, 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. On ne peut pas toujours parler tout seul. Vous avez le goût de faire de la radio. Bonjour Charlène. Bonjour Maxime. Ça va? Oui, et toi? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2017-2018. Comment ça fonctionne? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Je suis stupéfait. Faire partie de l'équipe de CKRL, c'est faire partie de la première radio communautaire francophone. Elle est avant tout masse sonore, nuage de son. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 6 août. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Et de retour avec Bruno et Marc et l'émission Terra Incognita. J'espère que vous avez aimé. Juste avant, c'était le groupe de la Turquie, Nimrud, et leur plus récent album paru en 2016. Et la pièce Gods of the Mountain, comme on en discutait, là, ce sont des fans de la musique de Eloy. Et d'ailleurs, le chanteur de ce groupe-là a été en contact avec le chanteur de Eloy. On espère toujours pour Eloy, évidemment, les voir une fois en Amérique. Et c'est sûr qu'on ne manquera pas ça. On va espérer, on va souhaiter. Hein? Bon, juste avant, il y a l'excellent nouveau disque de Steve Hackett, The Night Siren. C'était la pièce 50 Miles from the North Pole. Et on avait débuté avec Nexus de l'Argentine et leur nouvel album paru cette année, NL Comienzo del Topos Uranos. Et la pièce El Color que Cayo del Cielo. Et voilà, on poursuit avec Capricars Constant, Fate Outsmarts Desire, c'est paru cette année, c'est leur second disque, et il y a sur ça en permanence la chanteuse qui est également la fille de David Jackson de Vandergraaf Generator, David Jackson qui joue dans cet album, dans toutes les pièces. D'ailleurs, lui qui a quitté Vandergraaf Generator depuis 2007, je crois, ça fait déjà 10 ans. Parlant de Vandergraaf, il y a Peter Hamill qui travaille, en fait, il est en train de faire le mix de son nouvel album et ça devrait paraître d'ici la fin de l'année. Alors, on ira à Capricars Constant, Fate Outsmarts Desire et la pièce Bluebird. Et ce sera suivi du groupe de Silhouette. Ça n'a jamais joué ici à l'émission. C'est un groupe des Pays-Bas. Et c'est un album intitulé Beyond the Seventh Wave, paru en 2014. On aura la pièce éponyme, la pièce titre de ce disque. Mais tout d'abord, allons-y avec la musique de Capricars Constant du Royaume-Uni. The misty Pendine Sands in South Wales, a beach that has made history. Here in the speed-crazy 20s, Sir Malcolm Campbell tilted at the land speed record. Ears like blood. 3 miles a minute can never be enough. The sunbeam's captain, take your seat. The aero engine at your feet. Spitting fire, oil, steam. 350 horses scream. You won't come back, you can't survive. But come on, let's just give it one more try. It's 1925, and Captain Campbell is at Pendine Sands in South Wales preparing for an attack on the land speed record. It wasn't one for the money or one for the fame, but just for the hell of all who came. One for Albion, one for fun, but please God get this record done. You won't be coming back, you can't survive. But come on, let's just give it one more try. But come on now, let's give it one more try. I do so hope we shall be successful, because if we are, it will, I think, be a great tribute to British design, British workmanship and material. The vultures roll a vague unrest, not in the smoking hole just yet. The flying mile, the distant hum, the watches stop and the deed is done. You won't be coming back, you can't survive. But come on, let's just give it one more try. But come on now, just give it one more try. But in those hectic days, records were made to be broken. John Godfrey Parry Thomas. He was to make his own mark in racing history, although not quite in the way he intended. With Bruno's mind, become a potent brew. Some days you write the story, some days it's writing you. And Challenger, Columbia, fate outsmarts desire. The finest brains are with our fire, speeds the smoke, courage the fire. Babs, as he called his car, was enormous. 20 feet long, thrust by a 27-litre V12 aero engine. Babs and Parry Thomas hurled themselves along Pendine Sands. Thank you. tragedy. Babs crashes and Parry Thomas was killed. The car was buried in the sand, where she lay for almost half a century. Babs now lives beside the sea. Peace and quiet, guaranteed. An undignified end for a great lady. She was born of nobility, a childhood steeped in luxury. The sisters, they lived their lives at speed. Babs turned her back on a quiet life. The firebrand made for a difficult wife, right up to the day that she took his life. And a bigger and more powerful Bluebird comes onto the scene to try and regain the record. And succeeds to the delight of her owner. She gains her first record at a speed of 174.88 miles per hour. So our man is back. Sure, to bring the record home once more. The hardware's new, worries can. The fastest of them all online. courage afire. Today, the car commands a crowd. Her story is a major part of 1920s post-war pioneering endeavor. But getting Bluebird back on Pendine Sands after 90 years proved to be its own incredible feat of engineering. But 90 years just whist on by. 1,000 miles an hour they try. I'm barely touching the ground they fly. Carbon fiber. Learn so quickly, come so far. The follies of that golden age will never see their like again. But sometimes out on Pendine Sand, the beast will roar again. We'll be right back. C'est un groupe des Pays-Bas. Silhouette, c'est tiré de leur album Beyond the Seven Wave. C'était la pièce du même nom. Et ça, c'est paru en 2014. C'est leur avant-dernier album, leur quatrième. Et juste avant, il y avait eu le groupe du Royaume-Uni Capricorn's Constant Fate Outsmarts Desire, leur plus récent album, et c'était l'excellente pièce Bluebird. Vous avez reconnu le saxophone probablement de David Jackson qui était dans Vandergraft Generator jusqu'à il y a 10 ans. Ça fait drôle à dire, puisqu'ils ont fait un retour, hein. Le groupe s'était en fait dissous en 76. Ils ont fait un retour en 2005, puis à partir de 2007, Dave Jackson a quitté le Vandergraft, puis eux, ils ont continué à faire des albums, 3 albums, et ils participent sur cet album, sur lequel il y a sa fille qui fait les voix également, c'est un excellent album paru peut-être au mois de mars cette année, février-mars cette année. Alors, on poursuit avec un groupe canadien, Half Past Four, c'est leur plus récent album, et on aura une pièce sur ça, Mirror High, c'est un EP. On a également The Green Violinist, ça c'est un projet d'un Belge, et on aura la pièce Cage the Rainbows. On a également Roger Waters, son plus récent album, Is This the Life We Really Want? Et Roger Waters qui nous visitera avec la tournée Us and Them au Centre Vidéotron à Québec les 6 et 7 octobre prochains. Et on aura la pièce Smell the Roses sur cet album-là. On y va tout de suite, on y va avec une petite pause publicitaire et au retour à Fast Four. 89.1 CKRL. Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. On ne peut pas toujours parler tout seul. Vous avez le goût de faire de la radio? Bonjour Charlène. Bonjour Maxime. Ça va? Oui, et toi? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2017-2018. Comment ça fonctionne? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Je suis stupéfait. Faire partie de l'équipe de CKRL, c'est faire partie de la première radio communautaire francophone. Elle est avant tout masse sonore, nuage de son. Tentez votre chance. Vous avez jusqu'au 6 août. Jump up high, a leap of faith. Close your eyes and meditate. see. Spin around and close your eyes. Write it down and theorize. Ask the universe and it tells you. Tapestries make believe. Reach out now, take what you need. Memories take a chase the rainbows, I'm sure they would do it. We used to hide under control, and we just laugh about it. If they could chase the rainbows, I'm sure that they would do it. They teach the children how to fail, and they aren't ashamed about it. If they could chase the rainbows, if they could chase the rainbows. Et tout ce que tu reçois, c'est une petite tour Eiffel dans le creux de la main, affreusement énigmatique. Et je suis comme les chats, messieurs, dames, qui vous montrent leur anus en partant. Mon regard vous raie la tronche. Il y a des dizaines de gueules vrillées autour de moi, qui sourient comme des couvercles de boîtes en fer blanc, et dont la fêlure collective siffle comme la rumeur d'une fabrique et me crie « Passe-moi le baume encore une fois, meurs, ne m'oublie pas ». There's nothing but screams in the field of dreams, nothing but hope.

Là, c'est la musique du groupe américain Hans et leur album paru en 2015, Caviar Bobsled, la pièce Heavy Lifting. Juste avant, il y avait eu Roger Waters de son plus récent album Is This the Life We Really Want, la pièce Smell the Roses.